Chapitre 29e. André ne rentra pas chez lui. Il se sentait incapable de se retrouver en face de Rose après ce qu'il venait d'éprouver. Il lui envoya un télégramme pour la prévenir qu'il ne rentrerait pas pour le dîner, et rôda d'un bout à l'autre de Paris. Vers 9h, il se présenta chez Langlois, déchiré de 1000 tourments intérieurs, qui se noyaient, à mesure qu'il montait l'escalier, dans la joie suprême et présente de revoir celle qu'il aimait. « Elle va beaucoup mieux, » dit Claire en l'apercevant. « Je vais mieux, » répéta Marguerite avec un sourire d'enfant. « Elle nous a fait joliment peur, » reprit Langlois, s'il est permis de donner de pareilles émotions à sa famille. André alla s'asseoir près de la chaise longue où l'on avait installé la malade. Elle ne semblait plus avoir gardé trace de la terrible épreuve de ce jour. Une nuance de rose sur les joues, les yeux brillants d'un éclat semblable à celui de la santé, elle paraissait à peine amaigrie. On n'eût pu s'y tromper. Il la croit hors de danger, cependant elle ne parlait qu'avec effort et comme un regret. Après quelques instants, le docteur emmena André dans son cabinet. « Elle a l'air d'être mieux, » dit-il. « Elle parle, ce qui est un grand point. Elle pouvait mourir de la crise d'aujourd'hui. Elle a survécu, c'est quelque chose. Je ne te ferai pas de reproches. » « Je n'en mérite pas, » interrompit André. « Il y a des fatalités inévitables. Un jour ou l'autre, nous devions nous rencontrer. Qui sait, sous peu s'il n'eût pas été trop tard. » « C'est pour cela que je ne te fais pas de reproches, » répéta Langlois en inclinant gravement la tête. « Mais pour ne parler que de ma belle-sœur, cette crise nous jette dans un cruel embarras. Si tu renouvelles tes visites, cela se trouvera su, et tu peux juger toi-même quelles en seront les conséquences. » « Si tu t'abstiens, elle en mourra !» s'écria André. « Et je ne lui survivrai pas !» Langlois ne dit rien. « Écoute, » reprit André, « je l'aime plus que ma vie. Cet amour qui est entré peu à peu dans mon âme, qui pendant des années s'est développé lentement, sans que j'en eusse connaissance, et qui un jour m'a enveloppé tout entier, au point de ne plus laisser d'autres penser, ce n'est pas un amour vulgaire, de ceux qui viennent et qui passent, et qu'on peut secouer avec un effort. C'est la passion même qui me domine et m'absorbe entièrement. Elle fait partie de moi et ne mourra qu'avec moi. Je ne connaissais pas encore le cœur de Marguerite. J'aurais pu douter de la force de sa tendresse. On ne connaît ces choses-là qu'à l'épreuve. Eh bien, je te dis qu'elle sent comme moi, qu'elle souffre autant que moi, peut-être plus encore, car sans cesse repliée sur elle-même, elle n'a pour se distraire de sa pensée ni mes occupations ni mes nouveaux soucis. Elle se meurt, tu l'as dit toi-même. Eh bien, si tu nous sépares encore, elle mourra, et avant peu. Tout cela est vrai, dit le docteur. Et tu veux nous séparer? Ce n'est pas moi qui le veux, dit Langlois avec impatience. Ne fais pas l'enfant. Si tu continues à venir ici, et que Marguerite se rétablisse, après, que ferez-vous ensuite? Nous vivrons, heureux de nous voir, sans rien demander de plus, répondit André. Tu le crois parce que tu as une belle âme. Mais le monde ne le croira pas. Qu'importe le monde? S'écria André avec un geste de dédain. « Fort bien. Admettons que le monde importe peu, ce qui n'est pas mon opinion toutefois. Eh bien, sais-tu ce qui arrivera un beau jour ? Lorsque Marguerite sera rétablie, un beau jour vous vous enfuirez ensemble. On n'évite pas ces choses-là, André. Il n'y a pas d'honneur et de devoir qui tiennent. Un jour vient où la passion est la plus forte et noie tout le reste. Qu'est-ce que vous ferez alors ? Quelle existence pour elle et pour toi ? Le plus sage, mon ami, quand on ne veut pas commettre une faute irrémédiable, c'est de ne pas s'exposer à la tentation. Le jeune homme écoutait la tête baissée. Tout ce que disait Langlois était juste et honnête. Il ne le sentait que trop. « Enfin, dit-il, nous n'en sommes pas à pouvoir nous enfuir, malheureusement. L'essentiel n'est-il pas de sauver Marguerite? Laisse-moi venir ici le soir, vers 10h. Tu ne sais pas que depuis le procès, je viens tous les jours regarder ta maison. Ma femme est accoutumée à ses absences. Rien ne sera changé. Seulement, au lieu de m'appuyer en face sur le parapet pour voir la lumière de vos fenêtres, j'entrerai. Je resterai 5 minutes et je retournerai chez moi. Cela suffira pour maintenir la vie dans ce pauvre corps frêle. Et moi, je vivrai de ces 5 minutes pendant le reste des 24 heures. Y consens-tu ? Il le faut bien, répondit le docteur d'un ton soucieux. André lui serra fortement la main et retourna dans le salon, où Marguerite, l'air heureux, à moitié endormie, mais souriante encore, semblait avoir oublié toutes ses peines. Au bruit de ses pas, elle souleva sa tête qui reposait sur un oreiller et tendit sa main maigrie vers celui qu'elle aimait. Il la garda un instant dans la sienne, puis y déposa un baiser presque craintif, comme s'il avait peur de la briser. « À demain !» lui dit-il. C'était une promesse. Marguerite, délivrée de son plus grand souci, lui sourit encore et se laissa aller doucement sur le coussin. Puisqu'elle devait le revoir le lendemain, cela valait la peine de vivre.